Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 15. Des idées de Dieu. Ce qu'il faut entendre par les idées divines. 1. Y a-t-il des idées en Dieu? Aucun agent intellectuel ne saurait produire une forme s'il n'en a la ressemblance en lui-même. L'agent intellectuel, c'est l'architecte dressant un édifice conformément au plan qu'il a dans l'esprit, c'est l'artiste voulant reproduire sur la toile le modèle qui est dans son imagination. Or, comme ce n'est pas le hasard qui a fait le monde, nous devons admettre dans l'intelligence divine la forme dont l'univers est l'image, et dans cette forme consiste précisément la nature de l'idée. 2. Y a-t-il plusieurs idées en Dieu? Dieu, en créant le monde, s'est proposé l'ordre universel, dont il avait conséquemment l'idée dans son intelligence. Or, on ne peut avoir l'idée d'un ensemble sans avoir celle des parties qui le composent. L'architecte, par exemple, chercherait vainement à concevoir le plan d'un édifice s'il ne se représentait point les diverses parties dont il doit le composer. Donc Dieu, qui a tout ordonné avec sagesse, qui possède nécessairement les types de tout ce qu'il a fait, a plusieurs idées. Les idées divines, dit saint Augustin, sont les formes principales des choses, les types immuables et permanents qui n'ont pas été créés, les exemplaires, les modèles toujours subsistants. 3. Dieu a-t-il les idées de tout ce qu'il connaît? Dieu a comme exemplaires et types les idées de toutes les choses qu'il fait, mais, pour les choses qu'il connaît spéculativement sans les réaliser, il en a les idées comme simples raisons et espèces possibles. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.